à la recherche du professeur Tournesol. Rencontre avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Nous avons laissé nos amis Tintin et le capitaine Haddock sur le point de s'envoler pour l'Amérique latine à la recherche du professeur Tournesol. C'est la fin de l'album « Les sept boules de cristal ». Nous les retrouverons dans le prochain album réalisé pour la radio avec la Comédie Française « Le Temple du Soleil ». En attendant la suite des aventures de Tintin, nous avons rencontré Denis Podalydès, interprète du professeur Tournesol, dans la réalisation de Benjamin Habitant pour France Culture. Et nous avons glissé dans les plis de cet entretien des extraits de la première version radiophonique du Temple du Soleil, enregistrée en 1959 dans la réalisation de Jean-Jacques Vierne. Denis Podalydès, vous jouez le personnage de Tournesol dans Nos aventures de Tintin, les nouvelles aventures enregistrées par France Culture avec la Comédie Française. Pour la première fois, on vous a donc vu apparaître dans ces albums, puisque dans les albums précédents, Tournesol n'était pas là. Vous aimez beaucoup Tintin, mais vous avez particulièrement une affection pour Tournesol, le professeur Trifon Tournesol. Oui, parce que sans doute je m'identifiais à sa tête. Il me faisait rire, je pense que c'était le personnage qui me faisait le plus rire. Sa surdité légendaire, distribution de topinambour quand on dit je ne sais plus quoi d'ailleurs. Et j'aimais beaucoup son petit crâne. D'ailleurs aujourd'hui j'ai un peu son crâne. Et j'ai pas la touffe qui va autour, mais personnage alors décalé au sens propre du terme, puisqu'il est décalé dans l'espace, et n'entendant pas ce qui se dit, et intervenant quand même ponctuellement, et toujours. Et j'aimais beaucoup la poésie qui résulte de cette surdité, ce qui fait que les phrases qu'il croit entendre sont toujours très très surprenantes, très inattendues, très drôles. Cette façon d'intervenir ponctuellement est totalement en dehors du coup. Alors ça, j'aimais sa faculté d'être systématiquement ailleurs, même quand il est dans le vif de l'action, et parfois, il lui arrive d'être au centre de l'action, mais lui-même l'ignore. Ce qui fait qu'il est aussi dans une humeur, généralement, très différente de tous les autres. Il est dans une poésie continue, en fait. Et il appartient à un monde extrêmement poétique, au cœur du monde de Tintin, le monde policier, parfois inquiétant, presque fantastique. Et lui transporte avec lui sa poésie, tout en étant aussi un scientifique, parce que quelquefois, il rencontre des grands savants, il n'est pas fou du tout, en fait. Il vit dans ce monde parallèle qu'est le monde de la surdité. Mais dans ce monde-là, il est très intelligent, très instruit, très savant. Donc ce mélange de décalage, d'absence au monde, de rêverie continue, poétique, suscitant des phrases très belles, je crois que ça m'a toujours plu. Derrière les musiciens, un groupe de jeunes filles incas en longues tuniques blanches, puis des soldats. Oh capitaine, regardez là-bas. Tournesol. Eh oui. Monsieur Tournesol que nous avons cherché pendant si longtemps, eh bien le voilà. Oh, par exemple. Et on va l'attacher près de nous. Oui, le poteau était pour lui. Pauvre ami. Tenez, le voilà avec ses gardes. Pourvu que tout marche bien. Mon Dieu, pourvu que tout marche bien. Vous, capitaine? Oh, quelle bonne surprise! Comment allez-vous? Très bien, merci, comme vous voyez. Non, et vous aussi, mon cher Tintin, vous voilà. Eh oui, monsieur Tournesol. Oh, mais je suis si heureux de vous retrouver. Moi aussi. Mais dites-moi, que signifie cette mascarade? Où sommes-nous ici? Chez les Incas. Hein? Du cinéma. Ah, oui, je comprends. Une reconstitution historique, sans doute. Ah ben, c'est-à-dire que... Eh oui, oh, mais ces gens-là sont costumés comme des Aztèques, que dirait-on? Je dirais même, oui. Ou plutôt, que je ne dise pas de bêtises. Non, comme des Incas. Des Incas, voilà, monsieur Tournesol, bah, vous l'avez deviné. Voilà, c'est vrai, ils sont admirablement grimés. Ah, ça. Eh oui. Oh, et voyez cette danse. Oh, quel naturel, quelle conviction dans le moindre de ces figurants. Oh, Et ce gros serpent multicolore qu'il porte en dansant. Oh, oh, oh, mais c'est amusant comme tout. Ah oui, oui, oui. Oh, pourvu que mes calculs soient exacts, pourvu. Il a vraiment un pouvoir, il aimante, avec son petit pendule, lui-même est aimanté au monde, et il aimante l'aventure aussi. Il disparaît, tout en étant lui-même souvent ignorant de ce qui arrive, de ce qui va lui arriver, et toujours dans ce décalage permanent. Il crée beaucoup de mystères, je pense, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il pense. Profondément, il semble beaucoup aimer, il aime beaucoup Tintin, il aime beaucoup Haddock. Parfois, je me rappelle d'un album où il s'y pique une crise terrible, je ne me souviens plus lequel, est un moment de grande colère de tournesol. Mais sinon, il est bien au chaud dans son mystère, sa surdité, avec sa petite tête invraisemblable, son petit chapeau, la forme conique du personnage, puisqu'il a ce manteau qui est très évasé en bas, et cette petite moustache et barbiche qui fait que sa bouche est constamment dérobée, on ne voit jamais sa bouche. Il a parfois l'air un peu d'un... oui, il a donné, je pense, à tous ces savants Cosinus, à tous ces personnages d'Hurluberlu qu'on a dans la comédie, dans le cinéma, même dans la littérature. Il a inspiré, je pense, quantité. Et puis, il y a sa fragilité. On se dit, un coup de vent peut l'emporter, rien pourrait le tuer. Il est comme constamment en suspens sur une corde raide, ignorant le vide qui est sous ses pieds. Et donc, c'est pour ça qu'on a tout de suite l'instinct de le protéger. D'ailleurs, Tintin et Haddock sont constamment aux aguets avec lui. Ils ont toujours peur qu'il se prenne, qu'il tombe dans un précipice, dans un trou. Il veille sur lui. Lui-même semble ne se moquer totalement de sa personne. Parce qu'on le voit, il me semble qu'on le voit rarement manger ou dire j'ai faim ou dire je veux ceci, je veux cela. Il est là. Et il est tout à sa recherche souvent, hein. C'est un savant très désintéressé qui est constamment dans l'étoile mystérieuse où il est, on le voit aussi avec d'autres, bon il y a dans les 7 boules de cristal, il retrouve un vieux copain, donc c'est par là aussi qu'on comprend que son savoir est réel et grand même, puisque ses anciens amis savants le respectent et sont toujours très heureux de le retrouver et de partager le fruit de leur recherche avec lui. Comment on joue le professeur Tournesol ? Il faut trouver cette façon d'être constamment décalé, cette façon d'intervenir très précisément dans la conversation, parce qu'il intervient, il entend quelque chose et il répond par rapport à ce qu'il croit avoir entendu. Donc lui, il est parfaitement cohérent, logique, et il faut trouver juste... peut-être, moi je supposais une voix évidemment un tout petit peu plus aiguë que la mienne, quelque chose de très délicat, précis et résolument et toujours assez calme dans le fond, parce que comme il n'entendant pas ses réactions, par exemple dans les 7 boules de cristal, il me semble, à l'explosion de la boule ou à des bruits très très effrayants, il a une réaction assez calme. Ça, il entend quand c'est très violent, il entend, mais sans doute l'entend-il d'une manière beaucoup plus douce que les autres, puisque son visage même ne reflète pas la même surprise ou la même angoisse que les autres à ce moment-là. Donc, je ne sais pas, ça doit venir assez rapidement. En même temps, on est dans un univers qui doit être très spontané, très, très immédiat, où les personnages existent immédiatement tels qu'ils sont. Enfin, il y a une certaine naïveté, comme il y a une naïveté du dessin, ce qui n'exclut pas la grande intelligence du propos, la beauté même, et la délicatesse du trait. Ce sont des personnages qui sont tous immensément subtils, d'ailleurs. Il y a un plaisir aussi à être ce personnage qui finalement n'a presque qu'une note. Oui, il n'en a qu'une, c'est cette note décalée qui sonne comme un triangle en musique, une petite note comme ça. Et chaque acteur peut faire sonner la petite note de Tournesol comme il l'entend dans la toute première version radiophonique, puisqu'il existe maintenant deux créations radiophoniques de Tintin, celle d'aujourd'hui, faite avec la Comédie Française, réalisée par Benjamin Biton, et puis une plus ancienne des années 50 qui était réalisée par Jean-Jacques Vierne. Et alors le professeur Tournesol était joué par Jacques Dufilho. Ah. Voilà un personnage qui, par nature, était ailleurs, semblait toujours ailleurs, dans un autre temps, dans un autre monde, avec ce parler délicat, très coupant, très, très subtil. Et c'était un homme qui était à la fois mystérieux et plein d'une sorte de bonté ancienne. Ben oui, mais ça s'impose, c'est une très bonne idée. Cette nuit-là, Tintin, Haddock et Milou dorment comme des chérubins, comme des angelots, calmement, innocemment. Et le lendemain, quand l'heure des adieux arrive, tout le monde est en pleine forme. Avant de vous quitter, nobles étrangers, j'ai moi aussi une grâce à vous demander. Je sais laquelle, noble fils du soleil, et je tiens à vous rassurer tout de suite. Je jure de ne jamais révéler l'emplacement du temple du soleil. Moi, mais non, mais je n'ai pas sommeil. Je crois en ta parole, jeune étranger. Moi aussi, vieux frère, je le jure. Que le grand cric me croque et me fasse avaler ma barbe si je lâche un mot à ce sujet. Ah, mais moi aussi, je le jure. Hein. Jamais je n'accepterai de tourner dans un autre film, même si Hollywood me faisait un pont d'or. Vous avez ma parole. Denis Podalydès, Tintin, c'est un souvenir d'enfance, c'est une lecture d'enfance, c'est une lecture familiale. Ça prend quelle place dans votre vie, finalement? J'ai l'impression que c'était au cœur. Je dis j'ai l'impression parce que je n'ai même plus le souvenir du moment où j'ai découvert Tintin. C'est-à-dire que j'ai dû le découvrir avant même de parler. Je crois que les albums étaient dans la famille. Mon oncle, qui était un peu plus âgé que nous, mais qui était enfant quand on était petits enfants, mon frère aîné Bruno et moi, et les albums étaient là. Ils ont toujours été là, d'une certaine manière. Donc je crois que je les feuilletais en aimant les images, en apprenant sans doute les noms des uns et des autres. Et puis ensuite, ayant appris à lire avec mon frère Bruno, c'est devenu une lecture sacrée, constante. Il me semble que j'ai beaucoup plus lu Tintin que toute autre bande dessinée, même plus que Lucky Luke et Astérix, qui étaient puis Gaston Lagaffe, puis les Schtroumpfs, Spirou et Fantasio, qui ont été en fait les bandes dessinées, et puis plus tard Alix. Je crois vraiment, oui, le monde de bande dessinée qui était le nôtre, c'était celui-là. Et dans ce monde-là, Tintin était au cœur, enfin c'était la lecture la plus... Par exemple, vous voyez la page de garde là, je l'identifie à mon pyjama, je crois. Une sorte de grand mur, de grande tapisserie sur lesquels il y a les tableaux de la plupart des personnages d'Hergé. Et c'est ça, comme une sorte de cabinet de curiosité. Il y a une constellation de tableaux, et ce bleu me rappelait à la fois le bleu de mon pyjama et le bleu d'un papier peint qui était chez ma grand-mère. Et quand j'ouvrais le livre, j'avais l'impression d'être chez nous, enfin, et d'être pas loin du coucher, je sais pas. Et je pense tout de suite à cette petite pièce qui était chez ma grand-mère et à ce pyjama qui était dans les bleus. Et donc c'était le plaisir liminaire, avant de commencer la lecture, de passer par cette... Je crois que j'ai jamais ignoré cette page de garde. J'ai même d'ailleurs dessiné, d'ailleurs, je me rappelle d'avoir été grondé pour avoir, là je pense que c'était même avant de savoir parler, pour avoir dessiné sur les... Je crois que mon frère a gardé les albums, certains albums qu'on avait, et j'avais revu des dessins que je n'aimerais pas qu'aujourd'hui mon fils fasse sur un tel livre. C'est d'une beauté extrême déjà, rien que cette page-là, et j'aimais lire ça, j'aimais commencer l'histoire. Je me rappelle par exemple les mouvements de Tintin. Il est très très souvent pris en mouvement, il est rarement, là s'il est assez immobile, mais il est très souvent, et souvent c'est en bas de... Ça donne toujours une note suspendue pour créer un suspense, pour que le lecteur achète le numéro de la semaine d'après. Et très souvent... Quand Tintin il arrive où Tintin est en mouvement, voyez, et ces petits éclats de transpiration autour de la tête de Tintin, je m'étonnais beaucoup de ça, voyez. Dès qu'il est étonné, vous avez des petits éclats, mais on ne sait pas vraiment cette transpiration, mais il n'y a pas lieu de transpirer là, il est sur le navire, si peut-être un peu mouillé, mais il y en a très souvent. Ça joue son, même là, voyez, son étonnement. je me rappelle de m'émerveiller et que sur des petits dessins, j'essayais de reproduire ces petites gouttelettes qui faisaient comme une auréole autour de la tête de Tintin. Et je pense qu'il y a des millions de gens qui ont grandi avec Tintin et qui, peut-être même sans le savoir, y pensent. Des images, des images qui viennent d'Amérique du Sud, par exemple, les Aztèques, les Incas, ça c'est vraiment le temple du soleil qui a construit la première image que j'ai dû me faire de toute l'histoire Inca. Le lama, par exemple, quand je pense à un lama, tout le monde pense au lama qui crache à la figure du capitaine Haddock. Le capitaine boit de l'eau maintenant? Oh, mais je n'y comprends rien. Ah oui, et il a pourtant l'air bien. Haddock s'approche d'un des lamas, le fixe une seconde dans les yeux, et... Voilà, na. Oh, capitaine, vous êtes incorrigible. Ah, il a baillé pour les autres, tant pis pour lui. Mais j'avais ça sur le cœur depuis trop longtemps. Et maintenant, en route. En route. En route. Toujours plus à l'ouest. Allez, J'aimais énormément les beuveries. Alors c'est drôle parce que je crois qu'on a voulu supprimer ça, les beuveries d'Haddock, enfin la soulerie. Il y a un album où la première fois où on le voit, il est saoul comme un Polonais. Et ça me touchait l'alcoolisme du capitaine Haddock, à tel point que je me rappelle quand il buvait du whisky, j'avais envie de boire ce whisky. Ça me donnait envie de boire le whisky. Les bouteilles étaient toujours très jolies, de forme carrée, à moulin sard. Je regardais quantité de détails, donc je pense que j'ai perçu les détails bien avant de percevoir les intrigues. Jusqu'à essayer de repérer quels étaient les deux Dupont. Il y en a un qui a les moustaches qui rebiquent et pas l'autre. Donc je crois que mon frère et moi, on lisait à tous les albums, on a connu l'apparition des derniers d'ailleurs, parce qu'on était, je crois, c'est quoi les derniers? Il me semble que Vol 714 pour Sydney, par exemple, est paru de notre vivant. Et je crois qu'on était, et qu'on a accueilli ça avec un bonheur très très grand, et puis on ne les voyait pas vieillir, ces personnages, ils restaient dans un temps immémorial, un temps identique où Tintin ne vieillit pas, où Haddock ne vieillit pas, où il n'y a pas de rapports sentimentaux, dans mon souvenir il n'y a pas de rapports sentimentaux, et je ne me posais même pas la question, je crois, de savoir si Tintin avait un amoureux ou pas, donc c'est dire si on lisait ça vraiment enfant, ou on lisait ça dans un état de naïveté extrême, dont on préservait la naïveté. Tout ce qui était hors des histoires n'existait pas, en fait. Il y a un monde extérieur, c'est pour ça que j'ai même pas... On a beaucoup parlé du racisme de Tintin au Congo. Je crois que j'étais absolument pas conscient de ça, parce que pour moi, c'était pas du tout le monde réel. C'était le monde de Tintin. Noble fils du soleil, voici venu l'heure du sacrifice. Que le sacrifice commence. Que le grand prêtre du soleil s'approche du bûcher. Celui qui épiait nos amis depuis leur débarquement à Callao s'avance. Il a revêtu la tunique bleue et or et le manteau pourpre de grand prêtre. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de hublot qu'il porte? Ça, c'est la loupe qui doit mettre le feu à notre bûcher. Oh, mille millions de mille milliards de mille... Oh, tonnerre! Non, non, laissez-moi! Vous pas tuer eux! Oh, mes amis, non, non, moi pas vouloir, non! C'est Zorino, pauvre petit. Adieu, Zorino. Brave gosse. Ah, il l'emmène. J'aime autant ça. Waco lève les bras et invoque une dernière fois le dieu des Incas. Oh, Pachacamac, puissant astre du jour, toi qui as fait le monde, Et le grand prêtre braque la loupe sur la paille sèche entassée au pied du bûcher. Et Tintin se transmet. Vous avez des enfants. Ils sont aussi, ils ont les albums près d'eux, ils les voient. Pas encore, justement. Je vais peut-être retarder un peu la découverte de Tintin. J'ai hâte de montrer ça à mon fils. Je ne sais pas comment ils peuvent percevoir ça. Aujourd'hui, ils ont tout de suite d'autres images en tête, puisqu'ils ont déjà vu non seulement des dessins animés, mais quantité de photos, des vidéos, quotidiennement pratiquement. Donc comment ils vont percevoir ces images? Ils regardent beaucoup de dessins dans les livres, mais c'est peut-être un oubli de ma part d'ailleurs. J'ai pas encore acheté d'album. Ça me donne envie, le fait d'en parler, de voir les pyjamas, ce petit pyjama de Dupont. J'entrais dans ces livres avec un grand bonheur. Parfois, ils m'ont fait très peur. Je sais que mon fils, par exemple, aurait très très peur. Je ne leur ai pas montré les 7 boules de cristal. L'image de Raskar Kapak qui entre dans la maison, qui enjambe le parapet de la fenêtre. Ça, je me rappelle que j'étais terrifié par ça. Et peur aussi de... Je me rappelle la fumerie d'opium. Je trouvais ça très, très, très étrange. J'étais mal à l'aise devant ça. Il y en a un autre qui me faisait très peur. C'était l'île noire. L'île noire, ouais. Alors ça, je sais que si je montrais ça à mon fils, je pense qu'il aurait peur. Si vos enfants ne le disent pas tout de suite, vous pourrez leur faire entendre Tintin, les albums de Tintin, par la Comédie Française. J'espère, oui, mais il n'aime pas du tout m'écouter, moi. Il n'aime pas m'écouter quand il est méfiant vis-à-vis de ça. Mais pourquoi pas? Ben oui, en lisant le livre, c'est une expérience. En tout cas, il y a plein d'expériences à faire avec Tintin. Ça fait partie, je pense qu'il y a des siècles et des siècles, c'était Homère et Ulysse qui occupaient cette place-là. Et puis après, comme ça, il y a des grandes œuvres qui constitue l'enfance des représentations, des premières représentations. Au XVIIe, ça devait être encore aussi Homère et les Latins. Puis petit à petit, ça s'est déplacé. Et puis au XXe siècle, est-ce qu'au début du XXIe siècle, ça a toujours cette force chez les enfants? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que ça prend toujours. Je vais vérifier avec mes enfants, mais personne ne m'a jamais dit, j'ai essayé de faire lire Tintin à mes enfants, ça n'a pas marché du tout. Et finalement, Tintin est rentré quasiment au répertoire de la Comédie Française. Ben oui. Et je pense que là, par la radio, c'est la meilleure des façons. Le média radiophonique, c'est, je pense, le meilleur pour une adaptation d'Hergé. Parce que je pense qu'on peut écouter et avoir en même temps ces images-là, sous les yeux ou dans sa tête, en y rêvant. D'ailleurs, j'étais très, en écoutant mes camarades, on enregistrait ça ensemble, je suivais tout à fait passionnément l'histoire. J'avais pas l'impression d'une utilisation abusive ou d'une caricature de l'œuvre. Cette aventure s'est bien terminée, n'est-ce pas? Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve? En tout cas, à bientôt! C'était à la recherche du professeur Tournesol, rencontre avec Denis Podalydès de la Comédie Française, Landine Masson, Rafik Zénine. Vous pouvez réécouter, télécharger cet entretien, ainsi que les 4 épisodes de l'album des 7 boules de cristal, coproduit par Moulinsart, Hergé, France Culture et la Comédie Française, sur franceculture.fr.